crois que rien n'est jamais plus fort que l'amour. Que c'est un don que le ciel nous a fait un jour. Un bien plus grand que tous les trésors de la terre. On croit qu'on peut le garder rien que pour soi. Comment penser que quelqu'un puisse le défaire? Et oublier à qui l'on tient quand on le perd. Que j'ai ou pas vraiment le droit. J'avais su que j'allais te faire souffrir. Avec le fer encore chaud de nos alliances. Comment savoir d'où vient le mal, d'où vient le pire? J'aurais fait le premier pas vers toi. Je n'aurais pas eu peur de ça. Fait-on les mêmes erreurs chaque fois? S'en aller, s'en aller.